Lettre 67e, Agathoclès à Phocion, Nicomédie, février 303. L'orage gronde de tous côtés. Bientôt il ne sera plus possible de l'éviter. Il ne nous restera qu'à le supporter avec courage. Le préfet de la garde impériale me fit appeler hier. Des vexations de toutes les espèces ont été exercées contre les chrétiens. Et malgré le sens de l'édit impérial qui tendait seulement à leur ôter le libre exercice de leur culte, sans violence ni voie de fait contre les individus, les chefs en sous-ordre en ont abusé. Ils ont lassé la patience de mes frères, persécutés avec tant d'injustice. Il y a eu, dans différents lieux, des scènes très inquiétantes, et la tyrannie qualifie de rébellion ce qui n'est que le soin de la sûreté personnelle. On leur oppose la force armée, qui n'a pas eu partout le même succès. Dans quelques endroits, les persécutés ont été victimes. Dans d'autres, les soldats, en trop petit nombre, ont été repoussés par des malheureux qui défendaient le premier des biens, leur vie et leur liberté, avec désespoir. On a résolu d'employer des moyens plus efficaces. Et je devais, avec un couple de centuries, qu'il m'était permis de choisir parmi les meilleurs guerriers, me rendre à Césarée, où les cruautés du préfet ont déjà coûté la vie à l'évêque. Vieillard vénérable, mais trop ardent, et qui, dans son zèle, avait prêché la révolte. Tu sens qu'il me fut impossible, dans cette circonstance, de continuer à me taire. Mais mon amour filial m'ordonnait de découvrir d'abord mon secret à mon père. Je demandai un délai. Je lui déclarai que je ne pouvais pas me charger de cette commission, et je lui en dis le motif. Il devint furieux en apprenant que je faisais partie de cette secte prohibée. Je l'avais prévu. Il me menaça de sa malédiction et de me déshériter. J'étais préparé, je n'en fus point effrayé. Je lui répondis qu'il en était bien le maître, mais que je ne l'étais pas d'agir contre ma conscience. Il m'exila loin de ses yeux et me défendit de jamais reparaître dans sa maison. Je sortis et je mentirais si je disais que ce fut sans peine. J'en éprouvais une très vive d'avoir été forcé, par les circonstances, d'exciter la colère d'un vieillard, dont la santé est faible, et à qui le chagrin et l'emportement pouvaient être très nuisibles. Je me rendis de nouveau chez le préfet, et je lui déclarai qu'il m'était impossible de combattre contre les chrétiens, puisque je l'étais moi-même. Il parut à la fois très étonné et courroucé. Il me menaça de la disgrâce de l'empereur et de la perte de ma place, en exhalant d'horribles imprécations contre les chrétiens. Il se radoucit ensuite et fit un essai pour me convertir. J'avais supporté la colère et la malédiction de mon père. Les paroles du préfet me firent sourire de pitié. Je l'invitai à faire simplement son devoir et à laisser le reste à ma conscience. C'est ainsi que je le quittai. Arrivé dans le quartier de mes camarades, je trouvai les esclaves de mon père qui m'apportaient tous mes effets, en me répétant de sa part qu'il ne voulait plus entendre parler de moi. Presque tous avaient les larmes aux yeux et me témoignèrent leur regret d'être chargés de cette cruelle commission. Je fus sensible à l'attachement de ces bonnes gens et mon cœur s'ouvrit à des sentiments plus doux. Le soir même, je reçus une lettre de mon correspondant de Nicée. Théophanie avait disparu et personne ne savait où elle s'était réfugiée. On gardait un profond silence sur elle dans la maison de Lysias. Héliodore l'a encore accompagnée. Marcus Alpinus était parti quelques jours avant pour Césarée. L'aurait-elle suivi? Impossible. Héliodore est incapable de jeter dans les bras d'Alpinus une femme qui se confie à lui et qu'il avait placée chez ses parents. Le sort de cette Théophanie m'inquiète plus que je ne puis le dire. Je ne puis renoncer entièrement à l'idée que c'est peut-être ma Larissa qu'Héliodore a retrouvée prisonnière chez les Godes. Mais si c'était elle, pourquoi ne pas me chercher d'abord? Pourquoi changer de nom et de domicile? Larissa ne se conduirait pas ainsi, et sans doute ce n'est pas elle. Mais à présent que la voilà de nouveau perdue pour moi, mes suppositions et mes doutes, qui s'étaient évanouis, reviennent encore assaillir mon imagination. Je n'avais en vérité pas besoin de nouvelles inquiétudes pour rendre ma situation insupportable. Cependant, rien n'ébranlera ni ma foi ni ma conscience. Je sais ce que je dois faire, je ne balancerai pas, quelques difficultés qui se présentent, à poursuivre la route où je suis entré, dans l'intime conviction qu'elle est la meilleure. Ceux qui se font chrétiens dans ces moments-ci doivent s'attendre à bien plus d'épreuves que ceux qui le sont depuis longtemps, Ils sont regardés comme des rebelles, des sectateurs opiniâtres, traîtres à l'empereur et à la religion dominante. Tel est le sort qui m'attend. Ce serait aussi celui de Constantin, qui de son côté a sûrement avoué à Auguste qu'il était chrétien. Mais il est le fils de César Constance, confié par son père à Galerius, et comme tel, il sera peut-être à l'abri. La méfiance et la haine nous entourent. Les courriers mêmes sont arrêtés et fouillés. Si tu ne reçois pas de longtemps de mes nouvelles, pense qu'il m'est impossible de t'écrire et de te faire parvenir mes lettres par une voie sûre. Adieu, mon ami.